Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, l'émission qui parle de radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure et du parcours radiophonique d'un invité. Et dans ce 56e numéro de la mécanique, on va s'intéresser au rap, à Skyrock et à un de ces animateurs emblématiques qui a vécu une grande partie de la vie de cette radio. Mon invité fait le 20h à Skyrock, non pas en costard cravate comme dans les JT, hein, non. Et toujours en compagnie de la crème de la musique rap et R&B, et ce depuis plus de 20 ans. Mon invité se nomme Fred Musa, bienvenue à vous. Merci Eddy, merci de m'accueillir ici sur Fréquence Protestante. Eh bien c'est un plaisir, et vous qui avez l'habitude de faire Planète Rap, hein, aujourd'hui ce sera un petit peu votre planète radio. C'est vrai, je vais essayer d'être, en tout cas comme je le suis à l'antenne, le plus honnête possible et le plus franc. Ouais, je préviens tout de suite, il n'y aura pas de freestyle ni la sky roulette. C'est vrai, tu vas pas me faire un petit 16 comme on dit dans le métier, non? Comme vous voulez. Ça peut être un off aussi, on verra. On verra tout à l'heure. À suivre, suspense. En tout cas, on va commencer par le commencement. Fred, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Bien sûr que ça me rappelle des souvenirs. Moi, je me souviens d'une radio sur laquelle j'ai débuté, en tout cas pour parler. Ma première radio était Voltage FM, et on y reviendra peut-être dans le parcours, mais j'étais juste assistant. Et la première fois où j'ai pris le micro, c'est sur une radio qui s'appelle Radio Anguin, dans 95, dans le Val d'Oise, qui était dans un pavillon. Je me souviens, il fallait passer par une espèce de petite contre-allée, contourner le jardin et arriver, descendre au sous-sol, un petit peu comme ici quand on arrive au sous-sol. Et je faisais les dimanches après-midi. C'est les toutes premières fois où j'ai pu parler. Dans un micro. Alors, c'était en quelle année? Oh merde. Alors moi, les dates et moi, c'est toujours un peu compliqué. Je dirais que c'était dans Voltage FM 89, donc ça a dû arriver un ou deux ans après, ça devait être 91, voilà, aux alentours de 91 sur Radio Anguin, ouais. Mais et ça n'a pas duré longtemps. Ah. Parce que j'ai évidemment commencé à faire des conneries. Et la première connerie, c'est que je voulais faire gagner des choses. Moi, je faisais une émission de dédicace et je me disais, tiens, je vais aussi faire gagner des choses. J'avais cette culture, pour le coup, très radio commerciale FM, entre guillemets. Et je voulais faire gagner des bons d'achat. Donc, j'avais été chez McDo à l'époque, qui était à Anguin, donc. Et j'avais dit, vous n'avez pas des bons d'achat? Les mecs m'avaient filé des bons d'achat. Donc, je faisais de la pub. Mais chose que j'ai appris par la suite, par la patronne de Radio Anguin que je salue, qui s'appelle Luz Berberides, qui un jour est descendu en disant, mais tu fais de la pub pour McDo, mais on n'a pas le droit de faire de la pub sur les radios associatives, c'est très compliqué sur les radios associatives de faire de la pub, machin, etc. Donc j'ai dû abandonner mes bons d'achat. Ah d'accord, bon bah. Et mes bons aller grailler des menus best-of. Alors si jamais vous recevez des bons de réduction dans vos boîtes aux lettres et que vous ne savez pas quoi en faire. Ah bah là c'est, ouais, je pense qu'ils sont un peu périmés déjà, ouais, jetez-les. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, la radio, comment vous y êtes arrivé? Qu'est-ce qui vous a plu dans la radio? Alors il faut resituer une époque, comme on dit, que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas, mais moi dans les années 80, donc je suis ado, je suis gamin, j'ai 13, 14, 15 piges, je suis né en 73. Donc quand les parents regardaient à l'époque, il n'y a qu'un poste de télé, il n'y a pas internet, il n'y a pas de portable, il n'y a pas tout ça, donc il n'y a qu'un seul poste de télé. Donc quand les parents regardaient déjà à l'époque Michel Drucker, on n'était peut-être pas forcément intéressés, en tout cas en ce qui me concerne, hein, même si je salue évidemment le talent de Michel Drucker, c'est pas de sa faute, mais il y a toujours un décalage forcément avec ses parents, donc quand ils regardent quelque chose, on n'est pas concerné. Et évidemment, quand tu te retrouvais dans ta chambre, la seule chose qu'il y avait, c'était la radio. Et moi j'ai vécu des moments absolument incroyables, c'est juste de mettre un casque ou de mettre des écouteurs et d'écouter sur mon petit baladeur de l'époque, hein, mon petit Walkman de l'époque, d'écouter la bande FM, et je passais mon temps à zapper, et j'adorais ça, j'adorais de me dire, juste avec la voix, d'entendre des messages. J'essayais aussi, moi, il y a des choses qui me marquaient. Je me souviens, dans les toutes premières émissions que j'écoutais, notamment à Skyrock, il y avait une porte qui grinçait. Donc j'entendais, ça me faisait voyager quelque part, juste cette porte qui grince, t'entendais quand quelqu'un parlait. Et c'est vrai que, je sais pas, moi j'ai été fasciné par ce média, et je le suis d'ailleurs toujours, par ce média qui est la radio. Et vous étiez aussi un grand passionné de musique, le funk notamment. Ah, la funk, c'est toute ma vie, ça. C'est évidemment quand t'as 15-16 piges que tu découvres cette musique, où tu danses, où tu commences à sortir, et puis qui un petit peu aussi qui a été d'ailleurs par la suite beaucoup samplé par le rap. Mais ouais, c'est une musique qui m'a toujours fasciné, la funk. Donc j'aimais ça. Et c'est vrai que pour en revenir au milieu de la radio, il y avait une radio donc dans les années 80 qui s'appelait Voltage, qui existe toujours maintenant, mais qui n'a rien à voir musicalement, j'ai envie de dire, avec ce qui se faisait dans les années 80, et qui était une radio donc qui ne diffusait que de la funk, et je me suis reconnu très vite et très proche de cette musique et de cette radio. Et je suppose que c'est la radio sur laquelle vous avez tenté votre chance en premier. Et bah c'est le premier truc, donc à l'âge de voilà 15-16 ans, je commence à prendre pareil le bottin, les pages jaunes, de regarder où est-ce qu'il y a des radios à côté de chez soi. Moi j'habitais la Courneuve, et à côté de chez moi il se trouve qu'à Rosny-sous-Bois il y avait Voltage FM, et ce qui reste drôle aussi c'est qu'il y avait un bus. Une ligne de bus dont le terminus était en bas de chez moi, qui est la ligne 143. Et si tu prenais ce bus à ce terminus, donc en bas de chez moi, et si tu allais jusqu'à l'autre bout, à l'autre terminus, à Rosny-sous-Bois, tu tombais sur la radio. Donc j'y ai vu comme un signe. Et cette ligne de bus, la 143, je me la suis beaucoup, beaucoup, beaucoup tapée, parce que je passais mes journées dès que je pouvais, le mercredi après-midi, les samedis, les dimanches. Je restais bloqué devant l'entrée de Voltage FM, qui était... dans une résidence, c'était une espèce de boutique où il y avait des logos partout, Voltage FM, et les studios étaient ensuite derrière, et je passais mes journées devant. Et alors comment j'ai pu rentrer? C'est ce que j'allais dire. Comment est-ce qu'à un moment j'ai pu rentrer? Parce qu'un jour il pleuvait, j'étais trempé, j'attendais encore devant, parce que régulièrement je rentrais pour prendre des autocollants, pour prendre des pins, pour prendre des conneries, et ils me voyaient, ils commençaient à pas mal me connaître. Et un jour il y a une animatrice qui s'appelle Sandra qui sort et qui me dit: arrête, tu vas pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes devant? Tu as pas des choses à faire? T'as pas des potes à aller voir? Et moi je dis non, mais j'ai envie de faire de la radio, moi j'ai envie. Et elle me dit bon, allez rentre. Et dès que j'ai mis les pieds là-dedans dans cette radio à Voltage, c'était donc en 89, j'ai plus bougé, enfin j'ai bougé de radio, mais j'ai pu vivre de ma passion en fait. Et alors du coup vous avez pu concilier radio et aussi vos goûts musicaux. Ça aussi c'est une autre chance, ouais. c'est vrai que c'est assez fou parce que donc il y a l'épisode Voltage FM où à l'époque je suis qu'un assistant, je nettoie les vinyles, je vais servir les cafés, je dors sur la moquette parce que je fais les horaires que les gens veulent pas, mais tout fan de radio pourra s'y reconnaître là-dedans puisqu'on est tous passés par là. Et c'est vrai que donc il y avait la funk, et à un moment je suis parti à Skyrock, et au fur et à mesure Skyrock s'est transformé en 96 avec le slogan premier sur le rap, où je retrouvais en effet un petit peu de ma musique de prédilection, en tout cas ce qui était devenu la funk. J'ai envie de dire que le rap est aussi l'enfant de la funk. Et pour Voltage, donc en dehors de ça vous y apprenez d'autres choses qui vous ont permis d'évoluer professionnellement? Ah bah oui, tu regardes surtout, tu passes ton temps à regarder ce que font non seulement les animateurs, mais ce que font aussi, il y avait à Voltage, tu avais une journaliste qui s'appelait Karine Duché, qui a été très importante pour moi, puisque c'est elle qui m'a appelé et qui m'a emmené à Skyrock par la suite. Je regardais ce que faisaient les producteurs aussi, ceux qui faisaient les jingles, qui concevaient les pubs. Donc je passe mon temps, si tu veux, un peu comme une éponge, à apprendre et à découvrir ce milieu. Et c'est fascinant, surtout quand tu passes d'auditeur à quelque part acteur de ce métier. Et de Voltage à Radio Anguien, comment ça s'est passé, la transition? C'est qu'à un moment, Voltage donc commençait de plus en plus à se professionnaliser, entre guillemets, et je crois qu'à un moment, ils ont fait un grand nettoyage parce qu'ils préparaient déjà plus ou moins le rachat, en tout cas, ils voulaient être rachetés. Et le patron a foutu dehors à l'époque tous ceux qui étaient là et qui avaient rien à y faire, parce que moi j'avais ni convention de stage, j'avais ni salaire évidemment, donc j'étais un peu un passager clandestin quoi au sein de Voltage. Et à un moment le boss qui est passé dit: mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Il est tout le temps là, mais un jour on va avoir un problème avec lui, s'il se prend une pile de vinyle sur la gueule, il va nous porter plainte, il va porter plainte contre nous. Donc il m'a foutu dehors. Et je me suis retrouvé dehors. J'ai repris mon bottin et j'ai recherché les radios qu'il y avait à côté de chez moi et ce que je pouvais en faire. Donc j'ai vu qu'à Anguien, qui était finalement pas très très loin de la Courneuve en prenant plusieurs bus, donc on y arrivait. C'était peut-être un peu plus compliqué, mais on y arrivait. J'ai découvert qu'il y avait une radio associative qui s'appelait Radio Anguien où j'ai frappé, mais vraiment à la porte. Et j'ai croisé cette fameuse Luce Berberides qui est la patronne de Radio Anguien, et qui m'a dit: bah tiens, j'ai un créneau de libre le dimanche après-midi, viens te tester, viens faire de la radio. Et c'était l'émission de dédicace, donc vous l'aviez dit. Ouais, je venais en fait, bah tu sais, tu viens avec tes disques à l'époque, donc je venais avec des disques de funk. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, c'est ce que j'allais demander. Vous aviez carte blanche sur. À l'époque, ouais, c'est ça. Je sais plus très bien si c'était une heure ou deux heures, ou c'était même d'ailleurs une bonne partie de l'après-midi. Je me souviens plus. Et c'était voilà, c'était des trucs dédicaces du dimanche après-midi. Et ensuite, il y a eu donc Skyrock. Et Skyrock, alors, 92, donc ça j'en suis un pour le coup, alors tu vois très bien, mai 92, c'est Karine Duché, la journaliste que j'avais rencontrée à Voltage FM, qui un jour m'appelle et me dit, écoute, ils ont besoin d'un assistant ici à Sky, c'était pour président Bruno Robles. Voilà, qui faisait la matinale, non, je crois, à l'époque. Qui était sur le, il me semble, 9-12, plus sur le 9-12. Il était pas, il a fait la matinale, mais à cette époque-là, quand je suis arrivé, il était plus sur le 9-12. Et ou en fin d'après-midi. Écoute, j'ai un doute là-dessus, mais en tout cas, voilà, Karine Duché m'appelle et me dit on a besoin d'un assistant pendant une semaine, est-ce que ça t'intéresserait ? Bien sûr, j'arrive, je cours, je me retrouve au niveau moins 1 du Forum des Halles. Et voilà, d'une semaine, c'est resté à. Encore aujourd'hui, j'y suis. Et vous n'avez pas passé l'entretien d'embauche face à Laurent Bouneau ou Pierre Bélanger, non ? Bah, Laurent Bouneau, au début, non, je crois qu'il m'a pas trop calculé, en fait. J'étais un assistant parmi d'autres. Et après, Laurent est venu me voir parce que l'histoire, c'est que la première fois vraiment où j'avais croisé Laurent Bouneau, évidemment, mais la première fois où j'ai un souvenir de discussion avec Laurent, c'est qu'il m'appelle, il me dit, tiens, viens voir, toi. Et il me dit, viens voir, qu'est-ce que tu fais, toi, ici ? Je fais, bah, écoute, je suis assistant. Il fait, ok, bah, tu vas partir pour Orléans. Parce qu'à l'époque, Skyrock émettait Orléans et avait eu une mise en demeure sur Orléans puisqu'ils ne fournissaient pas de programme local et ils devaient fournir du programme local entre 13h, 16h ou midi, 16h, je ne sais plus exactement. Et il me dit, bah écoute, tu vas aller faire du décrochage local, ça va t'apprendre un petit peu 2-3 trucs. Allez hop, en route pour Orléans. Je me suis retrouvé pendant quelques mois à Skyrock Orléans à faire du décrochage local. Alors comme évidemment rien n'était prêt et que Skyrock c'est souvent freestyle, je me suis retrouvé dans une espèce de petite boîte de com où j'avais... peut-être même pas 5 mètres carrés avec un Revox, un micro et de quoi me brancher sur l'émetteur pour pouvoir émettre et fournir un programme local. Ce que j'ai fait pendant quelques mois avant que Skyrock Orléans rebascule en radio, en catégorie différente qui leur permettait de retransmettre le programme en national. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Écoute, c'est 92, donc je suis de 73, tu vois, j'ai à peine 20 piges, quoi, j'ai 19, 20 ans. Et alors, 19, 20 ans, quand on entre au Forum des Halles à bosser à Skyrock, comment on se sent face à des grands noms de la FM de l'époque, comme Laurent Petit-Guillaume, fasciné, Malher Fasciné, parce que c'est vrai que moi, les gens que je croise à l'époque, c'est en effet Laurent Petit-Guillaume, que j'écoutais. Pour moi, Skyrock a toujours été une radio particulière. En plus, en tant qu'auditeur, c'était vraiment une radio où il y avait un ton différent. C'était une radio musicale, mais où il y a toujours eu un ton différent sur cette radio. Quand t'écoutes Energy, même à l'époque, c'était très sympa, c'est toujours très joyeux. Skyrock, ça a toujours été, tu vois, un petit peu du cynisme, ça a été un petit peu, voilà, de l'humour, mais ça a toujours été un humour un peu particulier. Et c'est vrai que tu te retrouves face à tous ces gens. Moi, j'ai bossé avec Laurent Petit-Guillaume, j'ai bossé avec Malher. J'ai bossé avec la regrettée Géraldine, Super Nana par la suite. Enfin, j'ai rencontré des gens, ouais, absolument hallucinants et qui ont marqué l'histoire de la FM. En dehors de ça, qui ont marqué évidemment l'histoire de Skyrock, mais qui ont marqué l'histoire de la FM. Président Bruno Robles, dont j'ai été un assistant pendant une semaine. Voilà, tu débutes avec ça, d'un seul coup, tu rentres en Champions League, quoi, j'ai envie de dire. Tu passes d'un club amateur qui est au fin fond des divisions et là, tu te retrouves en Ligue des Champions. Alors on va continuer à revenir sur cette époque Skyrock, juste le temps de faire une première pause musicale, toujours dans cette même époque. C'était les débuts d'un groupe nommé NTM, qu'on ne présente plus. Pourquoi ce choix de NTM, Fred ? J'ai voulu faire, parce que je crois qu'on a deux choix musicaux durant l'émission, et on le verra par la suite avec le deuxième choix, mais celui-ci est très marquant pour plein de choses, parce que moi je suis un petit gamin du 9-3, parce que évidemment NTM ça a été le premier disque que j'ai acheté, authentique. Je m'en souviens, j'avais été l'acheter au Virgin Megastore en vinyle à l'époque, et c'est extrait de cet album. C'est le premier album d'NTM aussi. Donc voilà, symboliquement, c'est du rap aussi. Et puis quand on écoute les paroles à l'heure d'aujourd'hui, vraiment je vous conseille vraiment de faire une attention particulière aux paroles. Bah vous allez voir, on est quoi, ce morceau il est des années, tout début des années 90, 91, si j'ai bonne mémoire. Eh bah, ben on peut se dire qu'ils étaient quand même sacrément visionnaires sur plein de choses. Le monde de demain. Thank you. depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop insiste pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je peux faire la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas aux abords de vos toits. Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité? J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a pied nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. J'en fasse preuve d'incompétence. Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal. Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Toi qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent. Voilà ce qui dérange. Ceux qui sont restés passifs en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur d'une génération révoltée, prête à tout ébranler. Même le système qui nous pousse à l'extrême. Mais NTM suprême ne lâchera pas les rênes. Le monde de demain, le Supreme NTM. Quoi qu'il advienne, nous appartient. Voilà. On a eu droit à un petit freestyle de Fred en antenne, ouais, donc voilà. J'ai essayé de chanter au-dessus, au-dessus du merceau, donc très léger, très très léger. Alors on va revenir donc à Skyrock, au Forum des Halles. On ne vous appelait pas encore Fred à l'époque d'ailleurs, c'était Ingénieur Frédérico. Ouais. Ça, c'était Skyman qui avait trouvé ce nom, parce que il me semble qu'à l'époque il y avait déjà un autre Fred et c'était pour nous différencier au sein de la radio, donc il m'avait appelé Ingénieur Frédérico. Et alors, en 1994, il y a un nouveau Skyrock qui est lancé, donc orienté sur les tubes du moment. Il y a une nouvelle grille et à l'intérieur, il y a Tabata Cash qui arrive le soir pour contrer Love in Fun sur Fun Radio avec un certain D-Fool. C'est vrai. Et c'était un peu dans cette émission qu'on commençait à vous connaître. C'était chaud, c'était déjà, c'était aussi surtout une chance incroyable parce que Laurent Bounot, qui était directeur des programmes et qui est toujours d'ailleurs directeur général des programmes, elle fait un constat qui était assez juste en disant bon, Love in Fun fait un carton avec Doc et D-Fool, mais nous vraiment on va passer à un autre stade et on va vous donner vraiment, on va donner aux auditeurs, comme ils parlent de cul en face, nous on va vraiment y aller aussi et on va prendre la star du X qui va vraiment parler de choses qu'elle connaît. Et il avait recruté Tabata Cash aux côtés de qui je me suis retrouvé, qui a été pendant une année, parce que elle de toute façon voulait pas faire plus d'une année, elle voulait pas faire plus d'une saison, et ça a été un moment pour moi juste incroyable et une chance infinie quand même qu'on me file aussi jeune, parce que j'avais 21 ans, une émission une émission d'accès à cette heure-là, quoi. Et puis vous faisiez de l'antenne alors juste avant celui qui était à cette époque votre principal concurrent sur Fun. Et aujourd'hui, bah, vous êtes juste avant lui dans Planète Rap. C'est vrai. C'est vrai. On en a parlé. Et puis, on avait eu un accrochage aussi à l'antenne. Oui, il y a l'extrait sur Internet. C'est vrai. Allez cliquer. Il y a un extrait où on avait appelé, avec Tabata Cash, ou c'était eux qui nous avaient appelé, je sais plus, où il y avait Koé en face de nous, avec D-Fool, et tout le monde se foutait sur la tête, sur la tronche. Bah, c'était les clashs avant l'heure, quoi. C'était les clashs du rap avant l'heure, quoi. Et cette émission, c'était aussi une étape marquante pour vous musicalement, puisque c'était la première émission de Skyrock qui passait vraiment du rap. Bah, Skyrock, pour moi, et dans l'histoire du rap au sein de la bande FM, il y a évidemment des radios comme Nova, qui ont mes radios typiquement parisiennes et uniquement parisiennes. Et puis il y a d'autres petites radios locales aussi qui ont promu le rap. Mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, le rap français a un parrain et une marraine. Le parrain étant Jacques Toubon, puisque c'est lui qui a décidé de cette fameuse loi des quotas de chansons françaises, si tu veux, qui a été imposée au milieu des années 90 à la bande FM. Et puis la marraine, c'est Tabata Cash, parce qu'en effet, elle, dans son émission, dans le Sky Club, elle ne voulait passer que du rap, et que du rap américain, et en plus de ça, du rap West Coast américain. Et donc l'émission s'est terminée donc, au bout d'une saison. Une saison, ouais, ça s'est arrêté, ça a commencé en septembre jusqu'en juin. Et juste pour le petit souvenir, un petit extrait de cette dernière. C'est vrai. Et on est avec Nicolas, 15 ans, Le Havre. Salut Tabata. Salut. Salut Toubib, salut Fred. Et salut bonsoir. Nico. Je trouve que c'est dommage, parce que ça permettait de s'amuser un peu le soir. Et je voulais savoir si tu pouvais pas rester encore un peu. Sans déconner les mecs, vous allez finir par me faire non pas regretter de partir, mais vous allez me casser ma soirée là. Ouais, ça devait être la fête, mais en fait si tout le monde fait la gueule, je vais être triste. Nicolas. Oui. Promis, à 2h10 du matin, on sera là ce soir. Je ramène Tabata à 2h10 jusqu'à 2h15. Faire une émission ? Moi, je veux bien, mais... Non, c'est pas vrai. Non, je pense pas. Ouais, ben moi, franchement, je pense que c'est dommage que tu partes. Nous aussi, on le pense, hein. Très ouais. Sincèrement. Allons, soyons clairs. Écoutez, c'est sympa. J'ai les boules d'un seul coup. Là. Arrêtez, il va chialer, Fred. Comment vous l'avez vécu cette dernière soirée? C'est quoi la voix? J'ai mué. Je m'aperçois que j'ai mué surtout depuis. Pardon, excuse-moi, j'étais troublé par cette voix. Je me suis dit qu'est-ce qui m'est arrivé? On m'a enlevé une partie de moi. Je sais pas, il y avait un truc à l'époque. Je me suis refait greffer des choses. Désolé pour le coup de vieux. Non mais c'est drôle. C'est marrant parce que c'est vrai que j'ai rarement. Je suis pas un mec qui retourne trop dans le passé, donc c'est assez troublant. Je suis aussi troublé peut-être que. À l'époque, on terminait cette émission d'ailleurs, de réécouter ça. Donc c'était comme ça que vous vous sentiez donc à ce moment-là pour la dernière. Ah bah je pense que moi j'ai passé une année extraordinaire avec Tabata, voilà, c'est quelqu'un que je continue à voir maintenant et avec qui on a gardé des liens très forts, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une personnalité incroyable, qui a une forte personnalité et qui a toujours eu un. Je pense pas connaître, on a souvent, parfois on a des ambitions, des trains de vie, on réfléchit à ce qu'on a envie de faire plus tard, mais elle, dès le début, quoi, c'est une nana que j'ai connue qui est à peu près mon âge, un peu moins d'ailleurs, que mon âge, mais qui dès le début savait très bien qu'à 40 ans ce qu'elle ferait. Mmh. Voilà. À 40 ans, ce qu'elle voulait faire, c'était élever ses enfants, avoir une vie totalement rangée, et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est assez fou parce que moi, de la vie, je la conçois un peu plus d'une manière un peu plus freestyle. Et c'est vrai qu'elle m'a apporté beaucoup de choses et c'est quelqu'un que j'aime profondément. Donc de réécouter là cet extrait, ça me replonge déjà quelques années en arrière. C'est vrai que j'avais oublié. Je devais être touché aussi de conclure en tout cas l'émission à cette époque-là avec elle. Mmh. Et pour vous, l'aventure Skyrock ne s'arrêtera pas pour autant? Non. Puisqu'en plus, en 96, donc nouveau virage pour Skyrock qui passe au rap. Mmh. Donc, comment ça a été annoncé à l'équipe en interne et surtout, comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Ça a été justement une décision de Laurent Bouneau avec Pierre Bélanger, le patron de Skyrock, où ils ont eu une analyse très fine à l'époque parce que, bon, c'est quelque chose qui est imposé. Donc, c'est imposé par le gouvernement, je le disais, par Jacques Toubon, qui veut mettre une loi de chansons françaises, qui dit, voilà, il faut 40% de chansons françaises. Et parmi ces 40%, grosso modo, je crois qu'à l'époque, il fallait 25% de nouveaux talents. Un nouveau talent étant quelqu'un qui n'a pas eu de disque d'or, il me semble, d'après la loi. Enfin, c'était un truc dans le genre. Et c'est toujours mal vécu quand c'est l'État qui t'impose quelque chose, donc c'est pas quelque chose. Mais j'ai envie de dire d'un truc négatif, Laurent Bouneau et Pierre Bélanger en ont fait une force. C'est-à-dire qu'ils ont regardé le panorama en se disant, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le panorama? C'est quoi actuellement? Il y a une musique, qui est le rap français, qui est en train d'exploser. T'as vu une première génération avec, on l'a passé, NTM, IAM, Solar, etc. Et puis au milieu des années 90, il y avait une autre génération qui était en train de naître, qui était en train de prendre du terrain. C'était le cas avec des collectifs comme Taïb Momb, le Secteur A, les Marseillais aussi de la Funky Family, Secteur A avec Passis, Tommy, Gynéco qui vont arriver par la suite. Donc ils ont été assez intelligents, Laurent et Pierre, et de se dire, on va faire un format pour cette jeunesse, pour cette musique et pour développer cette musique. Et avec ce virage de Skyrock, une émission se lance, Planète Rap. C'était votre projet à vous ou est-ce que c'est Pierre et Laurent qui vous l'ont proposé ? J'ai été voir Laurent en disant ce serait bien parce qu'à l'époque c'est vrai que sur Skyrock, alors on avait lancé le slogan premier sur le rap, mais je me souviens aussi qu'on jouait parfois même des remixes encore de Claude François. je te jure que c'est vrai. Oui, il y avait un mélange parfois, il y avait un mélange un peu où t'avais Akhenaton, Bad Boys de Marseille et un remix de Claude François derrière. C'était des choses qui pouvaient arriver à l'époque et j'avais été voir Laurent en disant mais ce serait bien qu'on ait juste une heure quoi, une heure où on va mettre que du rap. Mais vraiment une heure entière, une heure pleine où on met que du rap. Il me dit ouais très bien, on y va. Ça va s'appeler Planète Rap. C'est lui qui a trouvé le nom. C'est le nom. Je crois qu'au début il hésitait Laurent sur les numéros 1 rap parce qu'il y avait une émission qui s'appelait les numéros 1 dance ou à Skyrock où il y avait une émission qui s'appelait les numéros 1 dance à Skyrock. Et lui a voulu hésiter entre numéro 1 rap et il s'est dit non, Planète Rap c'est quand même beaucoup plus fort. Il a eu totalement raison puisque le nom maintenant est devenu culte quoi. Et vous quel... Est-ce que vous vous souvenez des débuts de cette émission ? C'était dimanche. C'était dimanche parce que l'émission était d'abord le dimanche entre 20h et 21h. Je crois que honnêtement, il me semble que les premiers invités un dimanche, c'était le groupe Assassin avec Rockin' Squad qui était venu un dimanche de 20h à 21h. Après l'émission a basculé en semaine et pareil en semaine, il y avait pas des invités tous les soirs, je dirais de 96 à 98. Il y a eu donc des émissions d'abord le dimanche, ensuite c'est passé en semaine et avec parfois des Akhenaton qui venaient, c'était à l'époque de Bad Boys de Marseille, des artistes américains qui venaient, je me souviens d'une artiste aussi, d'une chanteuse qui s'appelait Yvette Michel qui était venue, un groupe qui venait de Besançon qui s'appelait Squeegee. Enfin, voilà, je sais que c'était pas régulier, c'était pas pour une semaine, mais ils venaient sur une soirée. Et après en 98, en janvier 98, est né le Planète Rap comme il existe maintenant avec un artiste qui reste pendant une semaine. Et c'était Bustaflex, le tout premier invité. Et alors sur le choix des invités, comment ça se prépare ? Est-ce que c'est vous ? C'est Laurent. Ouais, c'est Laurent qui décide parce qu'il veut aussi Laurent. Ce qu'il veut, c'est aussi réfléchir à sa programmation. Et puis Planète Rap est une émission et doit rester une émission de nouveaux talents. On essaie de développer même encore aujourd'hui en 2019. On essaye de développer cette nouvelle scène. Donc voilà, Laurent voit un peu le planning des sorties, voit un petit peu les projets auxquels il croit et qu'il va défendre et qu'il a envie de défendre sur l'antenne. Donc voilà, il réfléchit à tout ça et il cale les Planète Rap, selon ça. Mais vous pouvez avoir votre mot à dire aussi? Bah après, on discute, mais là-dessus, ça a toujours été clair. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai pas une question d'ego démesuré à vouloir fixer quoi que ce soit. Justement, je pense que c'est une force d'avoir quelqu'un comme Laurent qui est une personnalité forte de la radio et du monde de la radio. Et qui a envie d'imposer des choix. Alors parfois, bien sûr, et forcément des invités avec qui j'ai moins d'affinité que d'autres. C'est clair, on peut pas aimer tout le monde sur une année, mais moi je suis assez ravi. Je fais pas non plus de la radio. Et ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Je pense que le truc qu'il faut comprendre, il faut du temps pour le comprendre, parce que quand on commence la radio, je dirais que on fait de la radio d'abord pour soi parce qu'on est content, nos potes nous écoutent. Tu dis à tes potes de t'écouter, machin et tout. Mais avant tout, tu fais la radio pour les gens. Donc moi ça me gêne pas parfois aussi de défendre des projets ou de présenter des projets pour lesquels j'ai pas d'affinité parce que ce ne sont pas non plus totalement mes goûts sur tout, mais il y a quand même une grande partie que j'ai envie de défendre, ça c'est clair. On va faire une deuxième pause musicale tout de suite avec un son plus récent de votre choix toujours, c'est L'Homme Pâle. Ah, parce que ça c'est quand même une sacrée belle découverte, c'est un Planète Rap hallucinant que j'ai passé avec lui il y a quelques semaines, où j'ai même fini en volant, c'était la première fois où j'arrivais. Oui, vous avez fait un bain de foule dans le studio. J'ai fait un bain de foule où j'étais en volant au-dessus du studio. Et voilà, quand je vous parlais à l'instant de la nouvelle scène, lui fait typiquement partie de cette nouvelle scène où il y a absolument, j'ai envie de dire, où ils sont... Ils se mettent pas de limites, pas de barrières. L'Homme Pâle, c'est un mec qui, sur une pochette d'album, était déguisé en nana. Enfin, voilà, je trouve que dans le rap, maintenant, il y a moins de barrières. Les barrières sont cassées. Et en dehors de ça, c'est un artiste, mais tellement talentueux. La vérité, avec Orelsan en featuring. Et puis, avec Orelsan aussi, je pourrais en parler des heures aussi. Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité. Dis la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité. Me blesser c'est important, la vérité. Dis la vérité. T'avais même pas commencé ton album. Tu disais déjà que personne n'était prêt. T'avais 15 potes, t'as fait 15 ventes. On dirait bien que personne n'était prêt. Suffit pas de vouloir la légende pour la pénétrer. T'as rien d'original, rien d'inattendu. Dès que tu parles, j'ai un déjà vu. Tu pourras jamais forcer les gens à vouloir écouter ton bruit. Je suis gentil derrière mon écran, mais dans le vrai monde je te détruis. Si je te dis ça c'est pour ton bien, tu te la racontes comme un sac à main Gucci. Mais t'entends ni les bonnes notes ni les conseils, seul dans ton monde comme un Tamagotchi. Normalement ça fait, n'écoute pas les autres, vis tes rêves. Mais toi t'es l'exception qui confirme la règle. Ton album c'est une séance d'IRM. Pour le vendre tu t'inventes une vie de voyou. Non mais tu t'es vu comme si ça t'arrivait d'être G. Rentre chez ta mère, bye bye, arrivederci. Dis la vérité. Dis la vérité. C'est bon là, je crois qu'il a compris. Non, laisse-le moi. Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que t'es complètement con ou t'as pas d'ego? Je suis mal à l'aise comme quand on me raconte une blague et je sais qu'elle va pas être drôle. Fais semblant d'être proche de tes fans, t'es proche de tes victimes comme un escroc. Tu les fais payer 50 balles et tu sais toujours pas tenir un micro. Trop de hype pour ton vrai niveau. Tes potes suceurs sont des mythos. T'es en philo, tu fais du migos. L'album c'est une séance de chimio. Marre de t'écouter raconter n'importe quoi pour que ça rime. J'en ai marre, tout le monde utilise les mêmes expressions. C'est la schtroumpf partie. J'en ai marre, fallait pas vendre ton âme au diable. Arrête de plaindre ton label. J'en ai marre de tes chansons d'amour où tu compares ta meuf à ta mère. Marre de tes clips en DV nul à chier. De tes tentatives de tube ratées. Aucun charisme, t'aurais dû te masquer. T'es même pas foutu de plagier. Putain. Un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne, non, que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Dis la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité, la vérité, la vérité. Mais blesser c'est important, la vérité. Dis la vérité. Sacré croisement entre Aurel San et l'homme pâle, la vérité, reçu dans Planète Rap il y a pas longtemps, et on en parlait juste avant, hein, le freestyle. Incroyable, incroyable le freestyle de l'homme pâle, les freestyles de l'homme pâle, même d'Aurel San aussi, hein, Aurel San talentueux, qui remplit des Bercy, et c'est ça qui est assez fou aussi avec cette scène actuellement. L'homme pâle là va faire une tournée des Zénith, Aurel San sort de je crois 3 ou 4 Bercy, Bercy c'est quand même 18 000 personnes à chaque fois, enfin c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, les gens vont aussi voir ces artistes en concert, là il y a Soprano qui va remplir 2 stades Vélodrome, 2 stades à Lille, il y a les Big Flo Oli qui vont remplir 2 stades à Toulouse, non mais on est sur, actuellement on est sur quand même une musique qui est juste incroyable et la chance de pouvoir vivre de l'intérieur ça quoi. Et l'homme pâle qui a réussi à faire passer du Philippe Catherine en freestyle sur Skyrock. C'est quand vrai, même. Le freestyle en invitant Philippe Catherine qui était, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui reste un moment aussi culte de cette émission. Alors, en plus de 20 ans de Planète Rap, Fred, quel constat vous faites, vous, de l'évolution du rap? Bah, je pense que là, je l'ai faite en même temps, je connaissais pas votre question, mais j'ai envie de dire, je l'ai faite là à l'instant. C'est l'évolution, c'est que voilà, cette musique qui est partie d'endroits où à l'époque on voulait même pas leur donner d'endroits pour aller jouer, ils étaient obligés de jouer à l'extérieur et de faire des scènes à l'extérieur. Maintenant, ils remplissent des stades, donc le chemin parcouru en l'espace d'une vingtaine d'années est magnifique, c'est magique. Alors, je pose la question autrement. Quel constat faites-vous de votre expérience en tant qu'animateur? Eh bien, l'évolution. Je ne sais pas. si j'ai entendu l'extrait tout à l'heure, j'ai pris un peu dans la voix. J'ai bien fait de boire un peu de rhum et de fumer des clopes, même si j'ai arrêté maintenant. Mais non, pas le rhum, mais les clopes. Mais c'est vrai que c'est un parcours de chanceux, quoi. Non, mais je me regarde tous les matins. Je vais bosser. Je vis de ma passion. J'ai commencé la radio, j'avais 15 ans, j'en ai 45 maintenant. 30 ans après, je continue à vivre de ma passion. Combien de personnes ont cette chance-là? Alors, combien? Tu vois, je considère être vraiment un chanceux. Alors, juste très rapidement, parce qu'il y a la partie questionnaire, plus un petit bonus sonore aussi que j'aimerais passer. On parlait de la fin du Sky Club de Tabata Cash tout à l'heure. Moi, je voudrais juste par curiosité personnelle, est-ce que vous avez déjà imaginé, à un moment donné, ce que vous feriez pour votre dernier Planète Rap, si ça devait arriver un jour? Non, jamais. Non, jamais. Non. Ah non. Mais je sais que ça va arriver. Ça arrivera forcément un jour. Mais J'ai jamais pensé à ça. Bon, moi j'espère qu'il y aura au moins Fred en freestyle à l'antenne. Bah, je suis même pas sûr. Non, mais quelque part, j'ai envie de vous dire que j'aimerais même pas le savoir, quoi. J'aimerais que, en fait, je finisse une émission et qu'on vienne me dire en disant, bah écoute, c'était ta dernière. J'ai du mal à concevoir d'en faire une dernière. Je sais pas. Je préférerais que ça s'arrête comme ça, que après une émission, on vienne me voir en disant, bah écoute, c'était bien, c'était la fin. T'as passé quand même depuis 98, tu fais cette émission avec des artistes, des invités, mais là, c'est fini. Donc ça correspond à ce que vous disiez en 1995 dans une interview que j'ai notée. Vous disiez, la vie d'un animateur radio est éphémère, aucun de nous ne l'ignore, nous avons une durée de vie limitée. Mais c'est vrai. Mais alors c'est vrai aussi que, je savais pas que j'ai dit 195, mais... J'ai une copie de l'interview, si vous la voulez, c'est cadeau. Non mais merci, c'était quoi? C'était dans quoi d'ailleurs? Ah oui, c'était dans bien. Alors j'ai plus le nom en tête, ça devait être un fanzine de radio justement. Micro-ondes, voilà. Micro-ondes, c'est ça. Non, c'est vrai, bah oui, la vie d'animateur radio est éphémère, mais c'est vrai que moi j'ai la chance, c'est que cet éphémère dure un peu dans le temps. Et pourvu que ça dure d'ailleurs, pourvu que ça continue encore un petit peu, quelques mois. Oh, ça durera, hein. J'ai une belle longévité. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi, j'ai une belle longévité, mais je pense aussi qu'un jour ou l'autre, et ça arrivera, quitter le micro sera une partie pour le coup douloureuse. Mm-hmm. Ce sera pas simple. Alors, juste avant d'aller sur la partie questionnaire, une dernière archive, c'est dans Planète Rap, nous sommes en juillet 2001 de mémoire. Ce jour-là, vous receviez une étoile montante du R&B nommée Alia. Alia, est-ce qu'elle a pris conscience en venant, c'est la deuxième ou troisième fois qu'elle vient en France, c'est ça, non, elle était venue déjà pour son premier concert, du phénomène, que ce soit hip-hop, que ce soit donc R&B, rap en France, est-ce qu'elle est au courant que c'est les deuxièmes pays où on vend plus de rap et de R&B, après les États-Unis? Not the times you came here, did you have the opportunity to realize a big hip-hop and R&B is in France? Yeah, it's like the second most important market. It's really huge here, it's major, believe me, I know. Oui, elle est au courant. Est-ce qu'elle a eu le temps d'écouter un petit peu des choses françaises ou pas du tout? Did you have time to listen to French music? When I come here, you know, I listen a little bit, you know, I watch the videos and I try to, you know, get up on what's new and what's hot here. Still my favorite is, you know what I'm talking about, you know what my favorite was it? Alliance Ethnique. Yeah, I still my favorite. Elle aime bien Alliance Ethnique? En fait, quand elle l'a fait écouter Alliance Ethnique? Voilà. And nothing will ever top that. I just, you know, I don't know. En fait, elle est venue il y a quelques années, elle a entendu ça, elle a trouvé ça super bien, et voilà. Bah, on va lui faire écouter autre chose maintenant, hein. Voilà. Un petit souvenir de 2001, c'était, je crois, sa dernière interview vivant. C'est particulier, puisqu'un mois après, elle allait prendre cet avion fatal et nous quitter. Donc, ça me donne la chair de poule encore, en fait. C'est pareil, c'est des genres de choses. Je reçois souvent des messages sur Alia. C'est assez marrant parce qu'on m'envoie, enfin, marrant, non, mais on m'envoie souvent des messages de fans. Elle a toujours une grosse communauté de fans en me disant, en me demandant des souvenirs que j'ai de l'époque, donc c'est toujours particulier, parce que c'est vrai de se dire d'avoir rencontré cette fille qui était belle comme tout, qui était talentueuse, qui chantait, qui était en train de jouer en plus, c'était les X-Men, c'était quel film qui a tourné? Matrix, est tournée dans Matrix, donc elle avait une carrière au cinéma qui était en train de s'ouvrir et tout, et de se dire que j'ai réalisé la dernière interview, ça me glace un peu le sang en fait. Et je me rappelle encore de l'annonce en écoutant Skyrock, quand ils ont annoncé la disparition en live. Ouais, c'est horrible. Jeune, horrible, triste. Ouais. On va passer à la partie questions maintenant, Fred, avec une question capsule de l'invité de la précédente émission. Alors, c'est le seul endroit, c'est la mécanique des ondes, où FIP pose une question à Skyrock. Magnifique. Puisqu'on avait eu Luc Frelon, programmateur musical. Salut Fred, moi j'avais envie de te demander, vu que tu bosses sur Skyrock, qui est une radio... qui va bien, qui voilà, mais qui est quand même musicalement dans un truc très, un genre très référencé, très codifié, le rap, mais pas forcément tout le rap non plus. Je voulais savoir comment tu te situais toi par rapport à ça et quand tu rentres chez toi. Enfin, déjà sur l'antenne, est-ce que vous autorisez sur Sky à jouer absolument tout ce que vous voulez ou vous êtes quand même contraint par ces codes que vous vous êtes mis pour partie et quand tu rentres chez toi, t'écoutes quoi, Fred? Bisous. Salut Luc, salut, c'est Fred. Moi aussi je te fais un bisou. Ça devient très sensuel. Je vais essayer de répondre à ta question un peu comme sur FIP. C'est pas une fipette, important. Non, mais pourtant t'as vu, c'est fou parce que il est au programme, c'est ça, hein. Il est au programme. La programmation musicale. Il a la programmation musicale, il a les mêmes voix que les fipettes. Mais en homme, hein, je parle. Je vois, avec le côté, ouais. Vous êtes dans un embouteillage bien fait pour vous, bien fait pour votre gueule. Mais vous êtes avec Fip, tout devrait aller mieux. Non, mais c'est... alors, pour répondre à ces... Je crois qu'il y a deux questions. Première question, est-ce qu'on est libre de passer ou pas les morceaux qu'on veut? Évidemment, j'ai envie de dire non. Oui et non, en ce qui me concerne, moi. Parce que, évidemment, il y a une programmation, je disais, qui est établie par Laurent Bouneau. Il y a une playlist qui fait que elle tourne tout au long de la journée, cette playlist. Mais la chance que j'ai, c'est que moi aussi, j'ai évidemment dans Planète Rap des espaces de liberté où je peux mettre des sons, et surtout une émission le vendredi soir qui s'appelle La Nocturne, entre minuit et 2h, où je fais absolument la prog pendant 2h, et je mets que du rap français, que des nouveaux talents. Donc ça, c'est pour donc répondre... en roue libre. En roue libre. Pour répondre à... Et pour répondre à la deuxième question, quand je rentre à la maison, j'écoute beaucoup de choses. Évidemment, j'écoute du rap. J'écoute du rap qu'on passe sur Skyrock, avec des albums qu'on passe sur Skyrock, mais pas que. J'écoute aussi des anciens albums, et je retourne aussi régulièrement, ça c'est mon côté nostalgique, sur mes morceaux de funk, sur des morceaux comme par exemple Quincy Jones, Aino Corrida, qui sont des morceaux, quand j'ai envie de me mettre la pêche, parfois le matin, pour bouger un peu plus, machin, etc., que je mets encore avec grand plaisir. Et on va terminer maintenant avec le questionnaire rapide. On y va. C'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Il y en a plein. En tout cas, celui qui m'a vraiment inspiré et avec qui j'ai eu une fierté de bosser, c'est Laurent Petit-Guillaume. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Même son parcours, j'aime bien. C'est voilà, il m'a toujours fasciné, Petit-Guillaume. C'est un mec qui était DJ entre guillemets. Quand je parle DJ, qui était animateur, qui balançait des morceaux, mais à chaque fois, il avait le petit truc, le petit machin en plus. Et puis maintenant, voilà, sa carrière, il a fait de la télé. Là, il continue à s'éclater aussi sur France Bleu, donc et à recevoir des artistes. C'est quelqu'un voilà pour qui j'ai beaucoup de respect et que je considère un peu comme mon grand frère. Et on le salue s'il nous écoute, ouais. Il est déjà venu ici. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Gamin, Skyrock. Alors, adolescent, Skyrock. Gamin, c'est... y avait deux radios à la maison qui tournaient beaucoup. C'était RTL Maman, qui écoutait beaucoup RTL. Je me souviens d'émissions de matinée avec ma mère, Fabrice de RTL, qui était vraiment, vraiment très fort, quoi, sur RTL. Et mon père, Europe 1. Mon père, c'était vraiment très, très Europe 1. Voilà, avec même des Philippe Gildas, dont je me souviens, qui est parti, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Voilà, des grandes voix de Europe 1. D'ailleurs, ça m'attriste l'état dans lequel se trouve Europe 1 à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, je trouve que cette radio mérite plus que l'état dans lequel elle est actuellement. Quelle radio vous réveille le matin? Alors, j'ai un processus très particulier pour le matin. 7h du mat, le réveil sonne, je mets de l'info. Je mets France Info ou France Inter. Je mets France Inter, France Info. Je zappe ensuite sur RTL, Europe 1, RMC. Je fais un point vraiment info, j'ai envie de dire de 7h à 8h. C'est le moment où je me réveille, où je m'occupe de ma fille, machin, etc. Donc, mais j'ai besoin d'infos de 7h à 8h. Quand je pars à 8h, pour aller à la radio, je mets Skyrock et j'écoute Difool. Voilà. C'est mon programme et il faut pas que je sois en retard parce que à 7h20, je sais ce qu'il y a, à 7h30 aussi. Tout est très chronométré le matin. Quelle radio vous endort le soir? Difool aussi? Difool, non, parce que je me couche souvent après minuit, mais j'écoute la nuit beaucoup de radios, enfin, beaucoup non, parce qu'il y en a plus beaucoup d'ailleurs. Les radios qui parlent, donc je peux très bien écouter sur RMC les rediffs, parce qu'ils font des rediffs de leurs émissions. Ou alors, il y a une radio aussi que j'aime bien, c'est parce que ça parle tout le temps pour le coup, c'est RFI. RFI la nuit, parce qu'il se passe toujours. Et puis, il y a souvent aussi cette vision et cette voix aussi de l'Afrique, de ce qui se passe en Afrique, qui m'intéresse. Moi, j'ai une vraie, véritable passion pour l'Afrique. Et donc, j'écoute RFI. La nuit. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Partout. Non, mais partout, dans la salle de bain, quand je vais faire pipi et popo, quand je partout, quoi. Non. Donc, dans la cuisine, voilà, partout. Donc, je vous demande pas l'endroit où vous ne l'écoutez jamais. Non, c'est vrai. Et même, d'ailleurs, quand je te dis que je pars à 8h du matin, je prends les transports en commun, mais je prends mon portable et j'écoute sur mon portable, quoi, avec les applications. Alors, on va essayer d'être assez rapide. Votre meilleur souvenir de radio? Voilà, alors ça, c'est pas possible. Franchement, alors ça, si tu veux que je sois rapide, c'est pas possible. J'en ai plein. Mon meilleur souvenir, voilà, c'est ce soir dans Planète Rap. Allez. Allez, hop. Le pire? Le pire souvenir, c'est pas le pire, mais c'est des Planète Rap où quand je les réécoute ou quand je vis une semaine, je me suis dit, tiens, je suis passé à côté de ça. Voilà, c'est pas les pires, mais c'est des regrets sur certaines émissions, quoi. Et alors, la dernière, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? Pas de conseil, rester comme il est, tout foncer, casser les portes, casser les fenêtres, passer par la cheminée, et se dire que c'est le plus beau média qui existe au monde, la radio. Très bien. Bah écoutez, Fred, merci en tout cas d'être venu chez nous. On vous retrouve sur Skyrock. Plaisir. Moi, tu sais, j'ai toujours un plaisir de découvrir même les autres radios. Je vais aller faire un tour de l'autre côté aussi. Je vais voir le matos que vous avez. Voilà. Je suis toujours autant passionné, en fait. Et on remercie Emmanuel David Ghetto à la Réa. Très, très bon, Emmanuel Ghetto. Et on vous retrouve de 9h à midi sur Skyrock, dans Planète Rap à 20h, La Nocturne et Rail Suprême également. Merci, Eddy. Merci à vous tous.